de l'énergie. Vous le savez déjà depuis un certain temps, la première, et à peu près tout le monde dans le reste du monde, bouscule ses programmes. Histoire vivante suit le mouvement. On est allé chercher dans les archives, nos nombreuses, nos innombrables archives, et nous avons retrouvé, exhumé, une semaine que nous avions consacrée à l'époque aux épidémies et aux pandémies, un thème malheureusement tristement d'actualité. Voici donc la suite de notre travail de l'époque. Les scientifiques de l'OMS sont perplexes. Il est difficile de dire maintenant comment la maladie va évoluer. La grippe aviaire en Turquie, 9 personnes contaminées, 3 en sont mortes. Détecter d'éventuels signes de mutation du virus. Alors comment la situation va-t-elle évoluer? À vrai dire, on n'en sait rien. La grippe ne se propage pas en une seule grande vague épidémique. Il ne s'agit pas d'un grand tsunami. Elle se propage en plusieurs vagues, comme cela a toujours été le cas. Cette semaine, pandémie et maladie négligée. Grippe, malaria et paludisme. De Pasteur à Bill Gates. Pour combattre la maladie, il fallait d'une part non seulement tuer les rats, dératiser, mais il fallait également désinsectiser pour tuer les puces, afin de rompre cette chaîne épidémique. Un grand pas dans la lutte contre le sida. Le virus de la polio s'accroche encore dans une trentaine de pays. Généralement, quand un virus revient, il est alors plus sévère qu'initialement, car il veut survivre. Dans le domaine de la santé mondiale, deux logiques s'affrontent. Il y a la logique financière des grands laboratoires pharmaceutiques qui veulent protéger les nouveaux médicaments par des brevets. De l'autre, la logique de santé publique des pays pauvres et des organisations internationales qui demandent un accès égalitaire aux médicaments. En 1994, l'Organisation mondiale du commerce accorde des brevets d'une durée de 20 ans aux concepteurs des nouveaux médicaments au nom du financement de la recherche. Les pays en voie de développement se retrouvent alors dans une situation extrêmement précaire. Ils ne peuvent plus produire de médicaments génériques, lors même que les épidémies font de plus en plus de victimes. Un homme qui travaille au sein de l'OMS, le docteur Velasquez, met à jour la faille de cet accord qui leur permet de copier des médicaments brevetés en cas de crise de santé publique. Sa bataille dérange. Il est alors menacé, et même plus. Mais le docteur Velasquez est un obstiné qui n'entend pas lâcher prise. Nous allons aujourd'hui entendre le docteur Velasquez dans un entretien réalisé en 2003 pour Histoire vivante et poser avec lui quelques-uns de ces enjeux de la santé mondiale, comme le rétablissement de la recherche envers certaines maladies délaissées par l'industrie pharmaceutique ou encore l'accès aux médicaments pour ceux qui en sont privés. Dans cette bagarre de la santé mondiale, écrit Paul Ben Ki-moon, journaliste au Monde et auteur de « Mort sans ordonnance ». Trois personnages vont jouer un rôle clé tout au long des dernières années. Ils ont un point commun, être basés à Genève. Pour le reste, beaucoup les opposent dans la mesure où ils défendent des intérêts souvent antagonistes. Et s'ils arrivent parfois à des compromis, c'est qu'ils n'ont guère le choix. Les millions de morts sans ordonnance chaque année témoignent d'un système que même les plus farouches libéraux ne sauraient justifier aux yeux de leurs partisans. Le premier des trois est français, Bernard Pécoul, 45 ans. Il anime la campagne pour l'accès aux médicaments essentiels de l'association Médecins sans frontières. Avec d'autres ONG internationales, il revendique le droit des plus démunis aux molécules thérapeutiques. Le deuxième de ces personnages est colombien, German Velasquez, 53 ans. Il pilote le programme d'action pour les médicaments essentiels à l'Organisation mondiale de la santé. Le troisième enfin est américain. Il se nomme Harvey Bell. À 58 ans, il dirige la Fédération internationale de l'industrie du médicament. Autrement dit, il défend les intérêts économiques d'une activité dont le chiffre d'affaires mondial est de l'ordre de 380 milliards d'euros. Harvey Bell. Un brevet est une récompense pour un inventeur qui a investi du temps et de l'argent pour créer quelque chose. L'idée de l'accord sur les brevets est double. D'une part, amener de nouveaux joueurs dans le jeu de la recherche, si on peut appeler ça un jeu, dans cette activité de recherche pharmaceutique. Et d'autre part, s'assurer que ceux qui font aujourd'hui de la recherche, ceux qui travaillent dans les compagnies multinationales, reçoivent une récompense convenable et motivante, les incitant à poursuivre ou même accroître leurs travaux dans les domaines où les pays en développement représentent des marchés importants. Alors Paul Ben Ki-moon, attardons-nous un petit instant sur ce grand responsable, de ce grand représentant de l'industrie pharmaceutique mondiale, pour essayer de nous intéresser un tant soit peu à son discours. Parce que c'est vrai que présenter tel qu'il se présente et avec sa logique, nous sommes dans un monde absolument effroyable qui n'est retenu que par les règles d'argent, dans lesquelles toute forme d'éthique semble absent. Cela dit, c'est tellement une présentation extrême qu'on peut être tenté d'y voir un certain manichéisme. Alors dans quelle mesure, selon vous, cette logique de l'industrie des groupes pharmaceutiques à sa valeur, et après on en viendra au Don Quichotte Germain Velasquez. J'ai essayé de ne pas donner de caricature. Quand bien même je pourrais penser que des positions sont caricaturales, en tout cas dans ma démarche, j'ai essayé de les restituer le plus près possible de la vérité. Et il ne faut pas regarder l'industrie pharmaceutique simplement comme un clan mafieux qui n'est composé que d'égorgeurs, d'affameurs, d'assassins, qui n'a aucun état d'âme. Je pense que les gens qui composent les industries pharmaceutiques se posent des tas de questions, y compris, même s'ils n'ont probablement pas été les premiers à le faire, après le procès de Pretoria, le procès contre le gouvernement sud-africain qu'avait engagé l'Afrique du Sud, ils ont compris à quel point leur image de marque avait été absolument souillée et de manière probablement irrémédiable, même s'ils remontent un peu la pente. En l'occurrence, c'est quoi ? C'est qu'en fait, il y a dans l'industrie pharmaceutique des chercheurs qui sont des gens intègres, dévoués, qui se disent que leur travail va permettre des progrès et va permettre de sauver des vies. Ça, c'est indéniable. Il y a même des dirigeants d'entreprises, de laboratoires, qui ont des préoccupations d'éthique, qui, tant qu'à faire, si on peut à la fois gagner de l'argent et faire le bien, faisons-le. La question est que l'industrie pharmaceutique a, comme toute industrie, ses contingences. Et que c'est une industrie très dynamique. La France a quelques laboratoires, mais ce ne sont pas les plus importants. La Suisse a quelques représentants dans le peloton de tête. Et non des moindres, oui. Voilà. Les États-Unis aussi tiennent le haut du pavé. Cette industrie qui avait des chiffres d'affaires qui progressaient, il fallait deux chiffres pour donner le pourcentage, hein, c'est pas de 2-3%, c'était vraiment des progressions assez spectaculaires, assez lucratives. Cette industrie, bien évidemment, a été un choix d'investissement pour des fonds de pension, mais pas uniquement. Et ces investisseurs réclament, bien évidemment, un retour sur investissement. S'il y a des éléments de conjoncture qui font que c'est un peu moins profitable, d'abord on va essayer d'y remédier par des mesures internes, des plans sociaux éventuellement, mais aussi l'argent ira ailleurs si d'autres lieux d'investissement sont plus prometteurs. Donc en fait, et c'est finalement ce que dit Harvey Bell, lui dit de manière très crue, parce que c'est quelqu'un qui a fait sa carrière auprès du secrétaire d'État au commerce américain, qui a participé aux négociations du GATT, le précurseur de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et finalement c'est quelqu'un qui vous dit, on a des actionnaires, ils réclament le retour sur investissement, donc nous on fait ça. Il a une citation qui est de dire que, en fait, les brevets, c'est ajoute le carburant de l'intérêt à l'étincelle du génie. Quoi. Voilà, il reprend la phrase du président Lincoln. Lincoln. Et finalement, lui dit de manière absolument démudée ce que d'autres dirigeants de l'industrie pharmaceutique, et c'est le cas en particulier des Français, n'osent pas dire. C'est-à-dire que les Français ne vont, s'ils peuvent éviter de vous prononcer le mot argent, profit, bénéfice ou quoi que ce soit, ce sera parfait. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont un discours qui est ce que les Français appellent l'imagerie d'Épinal, c'est un peu l'industrie pharmaceutique racontée aux enfants. Alors, ça, Bayle finalement dit tout fort et brutalement ce qui est, je crois, le reflet de la réalité. Bras de fer pour un homme seul. Inaction, action. Un extrait de Le profit ou la vie, documentaire d'histoire vivante de Frédéric Castagnède, diffusé en octobre 2003. Un soir, près d'une plage, un homme était violemment agressé, puis menacé de mort. Un homme qui se bat pour améliorer l'accès aux médicaments dans les pays du tiers-monde. Cet homme, c'est le docteur Germán Velázquez. Il est colombien de cœur, français d'adoption, économiste, diplomate, à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Je pense que je peux faire quelque chose, même si c'est très très très peu. Je peux contribuer à que les choses changent. Et je l'ai fait pendant 20 ans. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'a intimidé que je vais arrêter. C'est un peu ma vie, j'ai l'essence, c'est quelque chose au trip. Le docteur Velázquez se bat contre une réalité terrifiante. Chaque année, 15 millions de personnes meurent de maladies infectieuses, essentiellement dans les pays en développement. Des pays ravagés par le sida, la tuberculose et d'autres fléaux comme le paludisme qui en Afrique tue un enfant toutes les 30 secondes. Pourtant aujourd'hui des médicaments efficaces existent, mais ils sont inaccessibles. Les géants de l'industrie pharmaceutique, rongés par leur course au profit, pratiquent des prix inabordables pour les pays du Sud. Et les gouvernements ne font pas grand-chose. La société contemporaine est là aujourd'hui. La technologie et les moyens financiers pour faire face à une tragédie, et on ne le fait pas. Nous sommes tous responsables, y compris l'OMS, et moi-même, et vous aussi. Nous sommes tous responsables, et vous aussi. Dans quel sens comprendre cette phrase ? C'est la première question posée au docteur Velázquez, rencontré voici quelques jours à Genève. Bien, de la catastrophe qui est en face de nous depuis 3, 4, 5 ans, surtout avec les sida. Il existe en France une expression de non-assistance à personnes en danger. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. La société contemporaine a la capacité de produire les médicaments qui ont besoin des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de mourir et nous ne le faisons pas. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question du docteur Velázquez. Pourquoi cette inaction dans une situation de telle urgence ? Et comment, le cas échéant, mettre en route une quelconque initiative ? Quelle action, directe ou indirecte, mener ? Je crois que de plus en plus, et si vous posez la question, qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même ? Et depuis quelques années, la société civile, les moyens de communication, la télévision, la presse, la radio, jouent un rôle très, très, très important. Il y a quelques années, c'était très, très compliqué, nous, à l'OMS, d'attirer l'attention d'un journal ou d'une télévision pour faire un commentaire ou un programme sur les médicaments. C'était un sujet qui était parfois ennuyeux, parfois compliqué, que les gens ne comprenaient pas, ça n'attirait pas les grands publics. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des émissions dans les plus grandes télévisions de pays du monde entier, dans des journaux, etc. Et là, continuellement, la couverture qu'il y a eu, tous les débats à l'Organisation mondiale du commerce les dernières deux ans, c'est extraordinaire. Un combat est donc engagé. À première vue, on serait tenté de le présenter ainsi. Peau de terre contre peau de fer. David contre Goliath, industrie pharmaceutique contre une addition de pays en voie de développement et d'autres organisations non gouvernementales. Et German Velasquez rappelle que le premier rôle est tenu par une toute autre figure que ces deux précédentes. Il y a les pouvoirs publics. Et je crois qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont une responsabilité peut-être beaucoup plus forte que l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique suit juste une logique avec laquelle elle a été créée il y a une centaine d'années. Et donc, on ne peut pas demander à l'industrie pharmaceutique de faire de la charité aujourd'hui. Mais les pouvoirs publics, il devrait de plus en plus investir dans la recherche de nouveaux médicaments, de telle façon que ces médicaments ne tombent pas sur un brevet, c'est-à-dire que le patient ne puisse pas avoir accès pendant un délai de 20 ans, mais que la société puisse avoir accès tout de suite. Les pouvoirs publics comme premier acteur. Mais comment l'imaginer dès lors que ceux-ci sont ouvertement confrontés à des pressions financières exercées contre eux? Ont-ils une réelle marge de manœuvre? À l'évidence, oui, si l'on prend l'exemple de certains pays. Inlassablement, le docteur Velasquez parcourt le monde pour aider les gouvernements à faire baisser les prix des médicaments. En particulier le Brésil, où il organise aujourd'hui un séminaire sur la politique pharmaceutique avec des représentants des ministres de la Santé de tous les pays d'Amérique latine. Buenas tardes. Yo creo que hay que unir, como lo hizo de una manera muy pionera el Brasil, el concepto de acceso a medicamentos esenciales como un derecho humano. Ahora, yo les pregunto, porque esto no puede quedarse como una frase bonita. Tenemos que sacar las conclusiones. ¿Será que los derechos humanos son patentables? En 1997, dans un document surnommé le Livre Rouge, le docteur Velasquez a révélé la faille de l'accord sur les brevets. Face à une crise de santé publique, un État a le droit de passer outre le brevet d'un laboratoire. Il peut accorder ce que les experts appellent des licences obligatoires, c'est-à-dire autoriser d'autres entreprises à fabriquer des médicaments génériques, des copies, beaucoup moins chères. Le Brésil, dans sa lutte contre le virus du sida, prend le docteur Velasquez au mot. Est-ce un signe de plus de la nouvelle gouvernance marqué par le président Lula, German Velasquez? Toute la lutte, les programmes de lutte contre les SIDA a commencé, et même avant le gouvernement du président Lula. Et la question au Brésil, elle est beaucoup plus complexe et parfois difficile à comprendre par des gens qui sont à l'extérieur. C'est que le système de santé au Brésil est extrêmement démocratique. C'est la société civile qui décide quels sont les enjeux, quelles sont les solutions, quels vont être les plans. Donc même en gouvernement, en changement d'un gouvernement avec une idéologie différente, il y a peu de choses qui peuvent changer parce qu'il y a une participation très forte de la société civile. C'est une culture politique propre au pays. Oui. Qui est venu juste après toute l'époque des dictatures militaires. J'ai assisté à une conférence nationale sur les médicaments qui allait décider tous les programmes d'action les prochains 5 ans. Il y avait 1500 personnes, il y avait représentants de tous les niveaux, des représentants politiques, des représentants syndicaux, des indiens, des consommateurs, des praticiens, etc. C'était vraiment un engagement de toute la société, un effort pour trouver des solutions valable et soutenable à long terme. Bras de fer pour un homme seul. Une histoire globale. Ainsi, une lutte farouche, une bataille importante est menée contre le géant de l'industrie pharmaceutique. Bataille mondiale pour que chacun, et naturellement les plus démunis, puissent avoir accès aux médicaments. Retour avec Germán Velázquez, acteur important de cette bataille, pour tenter de comprendre avec lui dans quelle logique historique s'inscrit le point de vue industriel. Il y a sans doute mercantilisme, mais il y a aussi histoire, et donc culture. On a créé, il y a une cinquantaine d'années, un système qui a fonctionné relativement bien, dans la mesure où il faut admettre qu'on a découvert des produits qui ont complètement révolutionné la médecine et la société. On a créé les antibiotiques, etc., etc. Le principe, c'était d'investir des sommes énormes pour la recherche de nouveaux produits. Et ces sommes, elles venaient sur la possibilité que donne un brevet d'avoir le monopole pendant une vingtaine d'années, du moment où on dépose les brevets, et donc de fixer des prix beaucoup plus élevés, ce qui permet à l'industrie d'investir des sommes assez importantes et d'espérer un retour qui est assez important aussi, parce que c'est une industrie qui fait des profits beaucoup plus que l'industrie bancaire, pour vous donner un exemple, maintenant que nous sommes en Suisse. Donc là, c'était un système qui a relativement bien fonctionné, mais je crois qu'on rentre dans une crise dans la mesure où les nouveaux produits découverts ne sont pas accessibles tout de suite à la majorité des personnes qui en ont besoin. Décalage d'accès aux médicaments, pour ne pas dire plus, et course au profit qui fait abandonner en route certaines maladies jugées non rentables et pourtant dévastatrices. Une course au profit qui frappe naturellement plus durement les pays dépourvus de toute infrastructure de recherche performante, mais également tous ceux où le système de couverture sociale fait défaut. Mais qui sait ? Qui sait si cette histoire est une histoire à sens unique ? Germán Velázquez. Et jusqu'à maintenant, nous vivons dans un monde assez cynique, où s'il y a quelques milliers, même quelques millions d'Africains qui vont mourir demain, où il y a des organisations non gouvernementales qui s'agitent, il y a l'OMS qui fait des déclarations, etc. Mais la société des pays du Nord reste relativement tranquille. Je crois qu'il y aura un réveil très très très fort au moment où même l'accès aux médicaments va se poser comme un problème dans les pays industrialisés. Et on voit aujourd'hui que la croissance des dépenses de médicaments dans les pays industrialisés, elle est supérieure, mais très largement supérieure à la croissance économique des pays. Donc, il n'y a pas une élasticité illimitée. On commence à demander aux consommateurs de participer de sa propre poche dans l'achat de médicaments. Dans la mesure où ce problème va augmenter, la société devrait se poser le problème de comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir un système de distribution de médicaments gratuits comme ça existe en Europe depuis une cinquantaine d'années. Avant de revenir au combat du docteur Velázquez, quelques mots de présentation sur le personnage et un coup de projecteur sur le curriculum. Je suis économiste de la santé. J'ai commencé ma carrière avec l'industrie pharmaceutique en travaillant ici en Suisse, à Lugano et à Annecy. Et après 5 ans, j'ai changé beaucoup, disons. J'ai travaillé une dizaine d'années en Afrique, principalement au Mozambique et au Mali, comme assistant technique dans le domaine des pharmaceutiques. Entre le jeune homme que vous étiez sortant de ses études et puis l'adulte que vous êtes devenu, quelles sont les transformations internes qui se sont opérées? Et si vous avez le temps parfois d'y penser, parce que votre agenda semble assez chargé, quelle est votre impression sur la métamorphose qui s'est opérée en vous? C'est compliqué à répondre. Parfois, entre un avion et l'autre, je n'ai pas le temps de voir. Je suis assez heureux aujourd'hui avec ma carrière et de plus en plus convaincu. Et il y a une espèce de presque jeunesse qui me pousse tous les jours, parce que les enjeux et la lutte aujourd'hui, elle est tellement forte qui me fait sentir vraiment très jeune et enthousiaste et positive et optimiste. Et mais est-ce que toute votre vie, vous avez été, et pardonnez l'expression, mais du côté du bon droit comme ça? Est-ce que vous avez été un jeune imbécile, insouciant, égoïste, et que petit à petit, en vous est montée cette part d'altruisme qui, au fond, est peut-être le seul gouvernail qui vaille? Non, je crois qu'au début de ma carrière, j'étais un jeune naïf, peut-être, au moment où j'ai commencé avec l'industrie pharmaceutique. Je crois qu'une année après d'avoir commencé avec l'industrie, je me suis rendu compte que c'était pas ça mon métier. J'ai commencé à avoir beaucoup de pratiques qui me gênaient, auxquelles j'étais pas convaincu de vouloir passer ma vie. Et tout, une année après, j'ai décidé que j'allais retourner à l'université faire une thèse. Et ça m'a pris 4 ans de plus parce que j'étais pas sûr, parce que je voulais plus de matériel, parce que j'ai, donc finalement, je suis retourné à l'université faire un doctorat, et en grande partie avec tout le matériel de cette expérience que j'avais vécue avec le travail dans l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça que ma thèse qui a été publiée en France s'appelait l'industrie pharmaceutique et le tiers-monde. Le grand problème qui se pose aujourd'hui, c'est il faut se poser la question si le système qui a été créé il y a une cinquantaine d'années n'est pas en train d'arriver à une crise où il faut sortir et trouver de nouvelles alternatives et voir comment est-ce qu'on peut continuer avec une industrie qui représente un atout important à l'économie des pays qui ont une industrie forte, mais aussi bien penser que les médicaments, les nouveaux médicaments sont accessibles à la plus grande partie du monde, et pas seulement dans les pays industrialisés, parce que c'est le cas aujourd'hui. Les médicaments découverts par l'industrie pharmaceutique sont tout de suite accessibles en Suisse et dans les pays industrialisés en général, mais ce n'est pas le cas. Et comme le système de production a évolué à cause des règles internationales de commerce, etc., d'une façon que la production elle est fondamentalement concentrée dans les pays du Nord, il faudra donc trouver une solution pour que les pays du Sud puissent profiter sans devoir attendre pendant 20 ans. Voilà, vous avez donc rendez-vous dimanche soir sur RTS2 avec un documentaire particulièrement d'actualité, Les grandes épidémies de l'histoire, la grippe espagnole, un documentaire produit par la BBC. Cette semaine était réalisée par Isabelle Barthes. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.